Finalement, voyant bien que la couronne n'est pas pour lui, même s'il est l'unique héritier naturel, Gwynplaine décide de rejoindre Ursus et Dea. Mais la Grimbox n'était plus là. Désemparé, il songeait au suicide quand Homo le retrouva et le guida jusqu'au bateau de Dea et Ursus en direction de la Hollande. À son arrivée, Gwynplaine s'écria: « Dea, tu es trop belle! Je ne sais pas où j'avais l'esprit ces jours-ci. Il n'y a absolument que toi sur la terre. Je te revois. Je n'y crois pas encore. »